L'intégralité de la conversation, www.laune.be. À demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. On s'informe en compagnie de Marianne Brillaud. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Audition à huis clos aujourd'hui pour la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars. Audition du président du comité P, c'est la police des polices. Les députés qui vont tenter de comprendre comment des informations concernant Salah Abdeslam n'ont pas été communiquées en temps et en heure. L'un des mystères à élucider, c'est de savoir pourquoi l'adresse de Salah Abdeslam n'a pas été transmise alors que la police de Malines la connaissait. La presse et le public ne sont pas admis dans la salle d'audition aujourd'hui. Et aujourd'hui, le fameux policier de Malines qui avait cette information, ce policier a déposé plainte. 1800 militaires assistent actuellement la police fédérale dans la lutte contre le terrorisme. Eh bien, ils vont recevoir des renforts. La défense va former des dizaines de militaires, des bataillons d'appui pour mener des tâches de surveillance. Le personnel concerné vient de la force aérienne. Ces militaires seront visibles dans les rues à partir de cet été, comme c'est pour le cas actuellement, le cas pour les paracommandos notamment. Jour J-1 pour le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Après les stars, les sportifs, les prix Nobel britanniques, ce sont quelques 1300 chefs d'entreprise qui disent aujourd'hui vouloir rester dans l'Union européenne. La moitié sont des poids lourds cotés à la Bourse de Londres. Dans une lettre publiée ce matin dans le Times, ils soutiennent le maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Une sortie signifierait moins de commerce avec l'Europe et donc moins d'emplois. Cette phase test sur le rail néerlandais juste après cet été, ce sera une première en Europe, un train sans conducteur. C'est une compagnie allemande qui prépare ce test. Passé 2020, et les plans sont ambitieux, passé 2020, les trains de passagers et de marchandises pourront rouler sans machiniste à bord. 400 kilos de nourriture détruits après l'inspection d'une cuisine illégale à Kuckelberg en région bruxelloise. La nourriture était destinée à la préparation de plats. Problème d'hygiène, de saleté dans cette cuisine industrielle. Aucune étiquette sur les produits congelés, des produits frais près des poubelles et autres déchets traînant un peu partout. Les lieux ont été fermés, le cuisinier était en séjour illégal et le gérant sera entendu par la police. Un point. Un petit point et la Belgique décrochera son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro de football. Match ce soir à 21h face à la Suède à Nice en direct sur tous les médias de la RTBF et en intégralité sur Viva. On espère que Zlatan sera toujours aussi discret comme c'est le cas depuis le début de son Euro. Dembélé et Carrasco sont toujours incertains et probablement forfait. La météo, attention, les orages nous reviennent ce soir, surtout sur l'ouest du pays. Orages accompagnés de grêles et de rafales de vent. D'ici là, on aura droit à un temps sec du soleil cet après-midi, des maxima de 23 à 27 degrés. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, ça roule à nouveau bien sur la Nationale 50 du côté de Tournai. Exactement, à Warcoing précisément, puisque un camion était sur le flanc depuis tôt ce matin, la chaussée était fermée. Elle est à présent rouverte en direction de Mons. Sur le ring de Bruxelles, vous perdez encore une dizaine de minutes. Les derniers ralentissements en circulation intérieure entre Hautitre et Grand Bigard. Le camion qui était en feu sur le 411 Arlon-Namur à hauteur d'Anlois neutralise toujours la voie de droite et on relève 20 minutes de retard en direction de Namur avec des files depuis Auchan, soit sur 3 km. Et puis, retour sur l'incident qui a eu lieu hier sur le 25 à Liège-Neuchâteau, ce fameux food truck qui a pris feu à hauteur de Tilf. La voie de droite est fermée, il faut procéder au nettoyage de la chaussée en direction de Neuchâteau. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Passez une bonne fin de matinée avec toute l'équipe des Pigeons. Merci Marianne, retour de l'info à midi. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolveau. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va bien? Bien. Mais bon. Il fait beau. Ah oui, déjà. Il fait chaud. On peut pas dire qu'il fait beau, mais il fait chaud. Si, maintenant, il y a du soleil. Hein. C'est vrai. Bah, ça dépend où vous êtes. Du moins, sur Bruxelles, il y a du soleil. Oui. Déjà, voilà. Ça c'est sûr. Dites, on le dit aux gens ou pas? On est dans l'embarras. Bah, dites-leur. Bon, on est censé vous parler... m'avait fait peur. Mais qu'est-ce qu'il va annoncer? Non, mais on a Marc Van Beneden, notre notaire. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il arrive. Ah, parce que je me disais, mince, mais il est là, cool, ça va, tant mieux. Il n'a pas sa cravate, tu as vu? Non, mais il a mis son beau blazer. Mais la cravate de notaire, elle est où? Est-ce que tout disparaît? Bonjour, bienvenue. Il est laissé au vestiaire. Ah, ça va, c'est préférable. Voilà, si vous avez des questions, plein de choses concernant le monde magnifique qu'est la mort, la succession, le divorce, tout. On a déjà pas mal de questions, mais vous pouvez continuer à nous en poser. On va rappeler tout ça dans un... Non, on va le faire maintenant. Vous pouvez les poser via Facebook, par exemple. Oui, notre page On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse pigeons@rtbf.be. Et puis notre répondeur est là aussi, 070 222 660. Il n'y aura pas que les questions sur la mort et tout machin, hein, on est d'accord. Il y aura aussi le journal de la conso. Et là-dedans, il y a à boire et à manger aujourd'hui. Et vraiment à boire et à manger, parce que je vais vous parler des moules, de fromage, d'une bière, d'un soda, à boire et à manger. Et on va pouvoir manger tout ça et boire tout ça. Tu crois que tout en même temps, des moules, fromage. Pourquoi j'ai mangé un jour des moules au maroilles? C'est super bon. Sur la côte de Palois, c'est très bon. Enfin voilà. Bon, si vous avez des questions, parce que c'est pas ça qui nous intéresse, c'est les questions concernant la mort, le mariage, le divorce, les successions, gay, quoi. Avec vous, Marc Van Beneden, notaire. N'hésitez pas. Si vous voulez de la musique, on en a aussi, ça tombe bien, on a plein de choses aujourd'hui. Alice on the Roof fera partie de la programmation musicale ainsi que le groupe Kygo. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons, c'est sur Vivacité, on est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. nos gestes, on n'est pas des pigeons, fais le reste. Votre courrier est arrivé. Avant de se lancer dans les questions-réponses avec notre notaire Marc Van Beneden, ouvrons le courrier du jour. Aurore, hier par exemple, on expliquait que Touring Secours, c'était repris dans Sud Presse, hein, avait comparé le prix des carburants dans 30 pays européens. Fernand nous donne à cette occasion une petite leçon de géographie. Oui, et il n'a pas tort. Il nous écrit: Sud Presse conseille, si vous allez en Italie, de faire votre plein dans la dernière station en Allemagne. Moi, je vous conseille de le faire dans la dernière station en Autriche, puisque le carburant est moins cher là-bas. Et en plus, l'Autriche fait frontière avec l'Italie et non l'Allemagne. Bon voyage ouais, à tous. Ouais, ouais. Mais c'est vrai. C'est logique. Il faut traverser un tout petit bout. Si vous avez des bons plans carburant pour cet été, voilà. Gardez-les pour vous ou partagez-les. Et des infos géo. Voilà, aussi. Hier, Carlo nous parlait des matchs qui arrivent. On vous donnait sur notre page Facebook si vous les aviez déjà goûtés. Oui, Serge nous dit oui, je les ai goûtés suite à l'émission. J'en ai mangé ce midi. Il a réagi aussitôt. Jocelyne avec plein de dans un petit pain avec des oignons sur le marché à Maastricht ou au Carrefour, mais pas pré-emballé, ça les ramollit. D'accord. Oui. Et puis Myriam, elle nous dit c'est super bon, très doux et fondant dans la bouche, un régal. Et enfin Thierry nous écrit: je n'en ai pas encore mangé, mais je regrette l'époque où on pouvait encore les acheter dans des petits tonneaux non nettoyés. On allait souvent les acheter en Hollande, mais ce week-end en tout cas, ils seront au menu. Bon alors. Et alors, Aurore? Ah bah forcément, ça m'a donné envie, donc hier j'en ai goûté. Eh ben, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure saison. C'est vrai? Non, je suis... Pourquoi? Vous les avez mangés mais comment? Mais j'ai trouvé que... Alors, avec des oignons crus. D'ailleurs, tout le studio me remercie aujourd'hui. Oui, ouais, oui, merci. Voilà, mais sinon, voilà, trempe, enfin... Mais quoi, ils étaient comment? Ah bah alors ils étaient bien gras, ça c'est sûr, donc ça il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que ceux que j'ai mangés manquaient un petit peu de saveur. Ah, par contre, ils avaient pris beaucoup d'oignons. Oui. Tu feras gaffe la prochaine fois, ce serait gentil, merci pour l'équipe. Et puis il y a Raoul qui a une mission pour nous. Oui, alors, au Carrefour, par tranche d'achat de 50 euros, vous recevez un ticket à gratter où vous devez donner la bonne réponse pour bénéficier de 10% sur votre futur achat. Sur le ticket reçu, voici la question. Espérons que de nombreuses autres victoires suivront cette année. À ce jour, combien de matchs les Diables ont-ils remporté parmi leurs 12 rencontres en championnat d'Europe? 3, 4 ou 6? En élimination du championnat d'Europe, les Belges ont remporté déjà 7 rencontres, plus le match de l'Irlande. Ça donne 8 victoires. Ce chiffre n'apparaît pas sur le ticket. Monsieur. Donc en fait, vous avez 3 propositions. Alors il nous dit, bah, je ne peux pas bénéficier des 10%. Non, c'est vrai. Donc comme je teste tout, Oui. Hier j'ai fait mes courses, j'ai eu la petite carte. Oui, oui. Et je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que j'aurai comme question? Bah, c'est plus la même question évidemment, parce qu'ils changent les questions à chaque fois. Okay. Ici, ce sera si la Belgique gagne contre la Suède aujourd'hui. Leur match, s'ils gagnent leur match ce soir. Ouais. Eh bien, on a droit à 10%. Il y a une petite question. Vous voulez quand même qu'on la fasse? Ouais, vas-y, bonjour, vas-y, pour vas-y. Voir. Ouais, bah, vous allez voir qu'effectivement, c'est pas très clair. Nous sommes en 1972. Les Diables Rouges participent à leur premier championnat d'Europe devant pas moins de 55 000 supporters. Dans quel stade légendaire s'est déroulée cette rencontre? Xavier, tu déposes ton téléphone ici, tu ne vas pas pardon. Sur Wikipédia. Je vais vous donner 3 propositions. Ouais. Soit dans le Camp Nou à Barcelone. Oui, bien sûr. Hein oui. Au White Hart Lane à Tottenham. Oui. Ou au stade d'Anvers. Et la réponse, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, eh ben c'est là que je vous dis, c'est pas très clair, parce qu'en fait, je me suis un petit peu renseignée, vu que j'y connaissais rien en foot, je suis allée voir sur le stade de l'Union Belge. En fait, en 1972, les Diables Rouges ont participé à 2 matchs en championnat d'Europe. Un à Liège et un à Anvers. Et donc déjà, il n'y a pas qu'un seul match, ils en ont déjà fait 2. Mais si donc, c'est vrai que Liège n'était pas dans... Tu veux nous dire que toutes ces questions sont un petit peu foireuses? Mais c'est pas qu'elles sont foireuses, c'est qu'il faut y aller claires. Pour s'y retrouver. Après, c'est vrai que la réponse, de toute façon, vu qu'il n'y a que Anvers qui est proposé, et je vais gratter pour voir si j'ai gagné mes 10%. Et c'était un match qui opposait, si je me souviens bien, la Belgique à l'Allemagne de l'Ouest. Belgique. Non, ça c'était à Liège. On avait perdu à Anvers. Il y a Laurent Voulzy qui arrive après la pause, et puis enfin, on va entrer dans ce vrai dossier parce que Marc, il n'est pas venu pour rien. C'est la catastrophe pour Carrefour, ils vont perdre 10% avec tous les auditeurs. C'est pas grave, ils feront des donations, les auditeurs, et on en parle dans un instant. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Il est mignon. Wow. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de la PACW avec le soutien de Vivacité et Sud Presse. Ils se sont donné une mission: foncer vers leurs rêves et assurer leur avenir. Leur arme,

morceau à 30 ans et le résultat est toujours le même. T'as envie de partir en vacances. Belle île en mer, Marie Galante. C'était Laurent Voulzy. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Marc Van Beneden est avec nous, notaire, et les questions pleuvent. Alors, les gens sont... comment dire? C'est hyper positif, hein, ils pensent à l'avenir. C'est-à-dire qu'on parle de déshéritage, on parle de succession, voilà. C'est beaucoup la mort hein, qui infecte les gens. Et avant les vacances, moi j'ai une recrudescence de rendez-vous avec les gens qui viennent me déposer leur testament. Si je meurs en avion ou si par exemple les deux parents... Ça c'est l'angoisse. Hein. Je pars en avion avec mon épouse et j'ai des enfants qui restent ici. Et si je meurs avec mon épouse et qu'il n'y a personne, qu'est-ce que vont devenir les enfants? Donc il faut désigner un tuteur. Il faut prendre des mesures. Et ils viennent prendre leurs mesures et ils viennent vite déposer. Pas le perdre un notaire, pas le perdre. Mais sérieux? Avant les vacances ou un long week-end, ils partent à Barcelone, aller-retour, et viennent apporter leur... Ça, c'est drôle. Comme si un notaire pouvait perdre quelque chose. Hein. Mais ça n'existe pas. Question de Morgane, par exemple. Vas-y. Est-on obligé de faire enregistrer son testament? Sous sein privé, a-t-il de la valeur? Peut-on poser des conditions? Par exemple, s'occuper de nos animaux jusqu'à leur mort? Alors, malheureusement, il n'est pas obligatoire d'enregistrer son testament chez le notaire. Le lobbying du notariat n'a pas fonctionné suffisamment convenablement. Donc, vous pouvez très bien avoir un document chez vous. Mm-hmm. Et vous le mettez dans le petit secrétaire, là, dans le hall à droite. Et au moment du décès, on ira le chercher. Le seul problème qu'il y a, c'est que je peux vous dire que j'ai 10 cas où ce testament, on l'a retrouvé, mais il est tombé entre des mains de personnes qui trouvent qu'il n'est pas très avantageux pour elles et qui l'ont déchiré. D'accord. Je le sais, parce que j'avais une copie. Okay. Et on le trouve plus l'original. Donc, c'est plus prudent de le déposer. Et le notaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord le lire pour savoir s'il n'y a pas éventuellement des choses qui sont bizarres, et il va l'enregistrer dans le registre national des testaments que doit consulter tout notaire qui est chargé d'une succession. Donc, on sait que chez tel notaire, il y a le testament. D'accord. Mais cet enregistrement ne lui donne aucune valeur supplémentaire. Et ça coûte combien d'enregistrer un testament? Alors, je crois que c'est 110 ou 120 euros, d'accord. Et c'est l'enregistrement au registre national des testaments. Mais on n'est pas obligé de faire un testament. Non. On est d'accord. Parce qu'après la dernière émission, il y a des gens qui me demandaient, j'ai deux enfants et j'ai ma femme, est-ce que je dois faire un testament? Mais non, si on est d'accord avec ce que dit la loi, c'est-à-dire que la femme qui hérite de l'usufruit et les deux enfants de la nue propriété, c'est-à-dire la propriété, ils doivent attendre le décès de la maman, ben, il n'y a pas de problème, on laisse comme ça. Mm-hmm. Ça vous est déjà arrivé de recevoir des testaments avec du Tipex et des ratures? Oui, c'est vrai, mais j'ai demandé à la cliente de le refaire. Il faut le refaire sans rature et l'écrire à la main. Non, voilà. Après le décès, je veux dire, que certains aient manipulé derrière le testament, oui. Oui, c'est vrai. Ah. Mais vous, c'est quand même bizarre. Mais apparemment, il n'y a pas que lui. Alors, on a encore une question de Anne. Dans un testament, peut-on sauter une génération, donner à son petit-fils la part qui reviendrait à son fils, ou diviser cette part entre les deux si on sait que son fils dépenserait tout? Alors, on ne peut pas déshériter son fils. Une grand-mère inquiète et qui a fort peu confiance en son gamin. Alors, mais ça arrive très souvent parce que c'est une technique pour ne pas payer des droits sur une génération. Ouais. Par exemple, on lègue l'usufruit à son fils dont on se méfie, et aux petits-enfants qu'on adore, qui sont fantastiques, on leur lègue la nue propriété, donc la propriété sans l'usufruit. Ça veut dire que le fils, il aura les revenus, il peut aller occuper l'immeuble, il ne peut pas être déshérité, le fils. Et au moment du décès du fils, on est sûr que les petits-enfants qu'on adore seront plein propriétaires et il n'y a aucune taxe à payer. Donc grâce à ce mécanisme, on évite une génération de taxes. C'est pas bête. C'est pas idiot, hein. C'est pas idiot. Les notaires qui ont inventé ça de nouveau. Magie nous demande, peut-on renoncer à l'héritage d'un parent du vivant de celui-ci? Si oui, quelles sont les démarches à faire en sachant qu'on ne sera pas prévenu lors du décès? C'est marrant, ça c'est vraiment une question qu'on me pose très souvent. Ce n'est pas possible. Parce que quelque part, les droits que vous allez avoir, c'est au moment du décès. Vous ne savez pas si vous allez être hérité. Comment renoncer éventuellement à des droits que vous n'aurez jamais? Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre le décès et puis seulement à ce moment-là renoncer. Alors, une question d'une autre Maggie. Quand on n'a pas fait de contrat de mariage, peut-on le faire après plusieurs années de mariage? Alors, ça s'appelle une modification du régime matrimonial. Il faut savoir que tous les gens qui sont mariés et qui sont belges ou des étrangers, mais domiciliés ici en Belgique, sont mariés sous le régime de la communauté. C'est-à-dire que tout appartient à tous les deux, sauf ce qu'on a reçu des parents. Et donc, si on veut changer ça, il faut modifier le régime matrimonial. Voilà, des questions, il y en a plein. Et ça part, on l'a compris, absolument dans tous les sens. N'hésitez pas à nous en communiquer de ces questions via la page Facebook notamment.

On part sur les routes, Caroline Gilet, comment ça se passe? Eh bien, on a encore quelques petits ralentissements sur le ring de Bruxelles dans les chantiers. En circulation intérieure, des files entre Heusingen et Forêt vers Grand-Bigard et en extérieur entre Anderlecht et Forêt en direction d'Ytre. Le camion qui était en feu sur le 411 Arlon-Namur à hauteur d'Anlois neutralise toujours la voie de droite avec quelques files en direction de Namur. Et puis, vous vous souvenez sûrement du food truck qui a pris feu hier sur le 25 Liège-Neuchâteau à hauteur de Tilf. À présent, la voie de droite est toujours fermée. Il faut procéder au nettoyage de la chaussée en direction de Neuchâteau. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Comme tous les jours à 11h30, on ouvre les gazettes et on en prend ce qui nous intéresse. Dans les groupes Sud-Presse, dans les journaux du groupe Sud-Presse, on apprend notamment, Aurore, que les bagages seront payants pour certains passagers cet été. Oui, si vous voyagez via jetairfly.com ou Sunjet, eh bien apprêtez-vous à payer 8 euros de plus dès le 12 juillet pour un bagage de 20 kilos maximum. Neckermann a déjà aussi choisi début de cette année de faire payer un supplément, mais cette fois de quasiment 15 euros. Rien ne change. En revanche, j'y arriverai pour les voyageurs de Jetair et de VIP Selection pour qui tout sera compris dans le prix de base. Les personnes qui font leur réservation avant le 12 juillet pour un voyage jusqu'au printemps 2017 auront, elles, toujours droit à un bagage en soute de 15 kilos. On poursuit en parlant de moules dans la presse. Oui, les moules de Zélande, elles seront là, elles seront même dans les magasins et les restaurants à partir du 29 juin précisément, c'est deux semaines à l'avance. Des moules plus grandes et plus charnues que l'an dernier, mais aussi plus chères, comptez 40 à 49 euros pour la moule jumbo du kilo. Les Belges adorent les moules de Zélande, ils consomment à eux seuls 64% de la production. Et puis on reste à table avec le fromage de l'année. Oui, c'est une distinction décernée chaque année par l'APACW, l'agence wallonne pour la promotion de l'agriculture. Et cette année, le vainqueur, c'est le fromage Moinette. Ce nom vous dit quelque chose? Moi, je connais la bière, la Moinette. Voilà, justement, c'est un fromage qui est fait avec cette bière de la brasserie Dupont. Cette année, 99 fromages étaient en compétition. Alors, les moules, le fromage, c'est fait. On complète le menu avec de la bière et du soda un petit peu particulier, c'est-à-dire dans les journaux aussi. Oui, ils porteront le nom de Molenbeek. La marque a été déposée par Paolo Pellizzari. Il est photographe et enseigne à la Cambre. Sa démarche est avant tout culturelle. Il veut redorer le blason de la commune. Il y aura deux bières, Molenbeek exactement. Une normale proche d'une pils, mais avec un peu plus de saveur, et une bière sans alcool. La brasserie a d'ailleurs déjà été choisie pour la produire. Pour le soda, là, le projet est un peu moins avancé, mais le concepteur voudrait un thé au gingembre, cumin et miel. Ça a l'air particulier, hein. Les marque Molenbeek devraient être vendus fin de l'année en édition limitée dans un premier temps. On parle de 500 exemplaires seulement. Bah lui, on va le faire venir, tiens. On goûtera ça. On goûtera ça la saison prochaine. On termine avec un truc qui est de retour. Après Artiste Historia, c'est le retour de Valois. Oui. Vous vous souvenez de ça? C'était les petits timbres qu'on avait dans les épiceries, les boucheries, les boulangeries. On devait les coller dans un carnet d'épargne. Ces timbres avaient disparu en 2004 parce qu'on se disait que c'était quand même... Il y avait ça et Artiste Historia. Oui, c'est ça. Et donc, Artiste était déjà revenu il y a quelques mois. On en avait aussi parlé dans le journal de la conso à l'époque. Donc maintenant, c'est le retour de Valois, retour prévu pour le quatrième semestre 2016, nous dit la presse. Un retour sous forme de carte électronique, donc ce ne seront plus des vrais timbres. Drôle, hein. Ça va être digital, ce sera, à mon avis, ça aura moins de succès. Peu d'infos pour le moment sur les points qui seront partenaires, donc où on va trouver ces points Valois, on ne sait pas. La marque Valois aurait encore son petit succès avec un sondage sur les réseaux sociaux qui a récolté 15 000 likes. D'accord, à propos de réseaux sociaux, c'est sur Facebook que ça se passe dans cette émission pour poser vos questions à Marc Van Beneden, notaire. Il est avec nous pendant les deux heures d'émission. Et on va voir dans quelques minutes qu'il y a quand même quelques familles qui se déchirent. Il y a de la bisbrouille dans les familles et on veut déshériter des gens et favoriser d'autres. Et alors, c'est curieusement, tous les messages se veulent anonymes. Il n'y a personne qui veut donner son nom. On en parle après Francis Cabrel. Actuellement chez Casa, un parasol orientable de 3 mètres de diamètre à moins de 50 euros. Découvrez le nouveau dépliant sur casashops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Ils se sont donné une mission, foncer vers leurs rêves et assurer leur avenir. Leur arme, leur passion. Comme eux, forme-toi un métier en alternance. Rendez-vous le 22 juin lors de la journée porte ouverte IFAPME. Toi aussi, passe à l'action. Plus d'infos sur ifapme.be. Avec le soutien de l'Union européenne et de la Wallonie.

sol nous sommes, nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent vers le ciel. Francis Cabrel, la robe et les échelles. Coquin, va. La robe, les... mais coquin, c'est Francis. On n'est pas des pigeons. Marc Van Beneden, le notaire, est avec nous en studio pour répondre à vos questions. Je le disais il y a quelques minutes, c'est dingue ce qu'on s'entend bien dans les familles de nos jours. Un exemple avec Sophie de Tarsienne. Ah non, non, non, oui, c'est Sophie de Tarsienne. Elle nous dit « J'ai trois enfants, je veux leur faire hériter de parts différentes. Comment faire ? Que puis-je faire ou ne pas faire ? Est-ce qu'on peut favoriser un enfant ?» Oui, à l'heure actuelle, si elle a trois enfants, il y a un quart qu'elle peut donner un peu plus à l'un à l'autre. Mais il y a pour le moment en discussion au Parlement, mais ils sont occupés à beaucoup d'autres choses aussi, à changer la loi. C'est vrai que ces réserves, c'est un peu contre l'air du temps. Vous savez que dans les pays anglo-saxons, vous êtes marié, vous avez trois enfants, vous voulez tout donner à votre petite amie, vous donnez tout à votre petite amie et vos enfants n'ont rien du tout, votre femme n'a rien du tout. Hein ? Donc il y a la conception latine, le droit romain, où il y a des réserves. Bon, moi je pense que c'est bien, vous faites des enfants, ça me semble un peu injuste que vous leur donniez rien du tout. Mais c'est vrai que ces réserves sont assez importantes. Donc notre amie ici, eh bien il y a juste un quart qu'elle peut donner un peu plus à l'un ou à l'autre. Et il y avait une question, enfin une sous-question dans ces questions, est-ce qu'elle peut déshériter un enfant ? Oui, mais celui-ci a droit à réclamer, elle peut le mettre, elle peut mettre « je déshérite un tel parce que ceci, parce que cela », mais... Parce qu'il m'a emmerdé toute ma vie, je ne veux plus avoir affaire. Non, ou bien parce qu'on lui a donné de trop. Il y a un enfant qui a eu des dettes, qui a eu des faillites, des choses comme ça, et on a beaucoup aidé. D'accord, voilà. Et alors je dis, écoute, ce qui reste, il ne reste pas beaucoup, mais ce qui reste, je veux que ça aille aux deux os. Mais donc, il faut qu'elle garde la preuve qu'elle a donnée. Mais et dans cet exemple-là, on ne peut pas aller devant le notaire et dire que c'est déjà une espèce d'avance sur l'héritage. Ça simplifie le truc. Il y a vraiment un document qui m'a manqué dans toute ma vie de notaire, c'est ce qu'on appelle le pacte sur succession future. C'est-à-dire le père et la mère, avec les enfants, on fait un document, toi t'as reçu ça, toi t'as reçu ça, toi t'as reçu ça. Il reste ça et je voudrais que ça soit partagé comme ça. D'accord. On signe et vous signez tous. Et ça n'existe pas. Eh bien, ça va changer, d'accord, parce que dans le projet de loi qui sort en discussion, on va pouvoir mettre ça. Et ça, je trouve que c'est un document, parce que vous avez encore les parents qui sont là. Moi, je suis souvent, les parents ne sont plus là, et je suis avec les trois enfants, et on doit refaire le monde, parce que la part réservataire dont je vous parle se calcule sur ce qui reste, auquel on rajoute ce qui a été donné. Toutes les dettes du fils qu'on a payées, et qui sont des donations, on doit le rajouter dans l'actif de la succession pour calculer un quart, un quart, un quart, un quart. Vous comprenez ? Donc c'est ça qui est, c'est très compliqué. Aller refaire ça des donations sur une vie, sur 30 ans, 40 ans, c'est quasiment mission impossible. Hein. On reste dans le domaine avec Valérie de Gouy-les-Piétons qui dit « Je souhaite vendre en viager un immeuble à deux de mes enfants afin que le troisième perde sa part. » Est-ce que c'est possible ? C'est sympa, déjà. Bon. Je vous avais dit, hein, les familles s'entendent bien. Tout ce que je donne, il faut le remettre sur la table. Si je le vends... Alors à ce moment-là, je ne l'ai pas donné. La seule chose qu'il y a, c'est que cette opération déguise une donation. Bon, donc, il faut que la rente soit réellement payée, hein, tous les mois. Maintenant, vous pouvez aller prendre un petit porto chez la tante qui vous a vendu en rente viagère et elle vous le rend. Vous ne dites pas que je l'ai dit. Je vois dans votre regard que vous allez le répéter. Mais donc, quelque part, c'est vrai qu'il y a une gêne, et la loi d'ailleurs expose que ce genre d'opération, il y a une présomption de fraude. D'accord. Donc il faut être très attentif. Toujours dans le même ambiance familiale et compagnie, c'est Zoé de Louet de Saint-Pierre qui nous dit « Mon père ne s'entend pas avec moi, ne s'entend plus avec moi. Or, il dispose d'un gros patrimoine. Il veut me déshériter. Quels sont mes droits ?» Elle a entendu parler d'une partie réservataire. Elle ne sait pas ce que c'est. Ben, c'est donc ce que je vous dis. Supposons qu'elle a un frère. Eh bien, la partie réservataire pour elle, c'est un tiers. Mais si le papa qui veut la déshériter donne tout au frère, eh bien... au moment du décès, mais pas avant. Hein, parce qu'il y a des clients qui viennent me voir avant. La fille Zoé vient me voir avant en disant « Il faut protéger mon patrimoine ». Non, c'est pas possible. Pas possible. Non. Pas possible. C'est au moment du décès. Et au moment du décès, on va dire au frère « Écoute, t'as tout reçu, donc tu dois tout rapporter. Oui, mais il m'a vendu avec rente viagère. Oui, mais il m'a fait ceci, voilà. » Et alors, on doit entamer ces démarches chez qui ? Chez un notaire ? Chez un notaire. Je crains que ce soit le personnage central de ce genre de... Et oui. ça mène à un procès, alors, après. Mais oui, évidemment. C'est ça, après, c'est un procès. Oui. Donc, c'est des frais. Donc ça s'appelle une liquidation partage, c'est-à-dire que de nouveau chez un notaire qui est désigné par le tribunal, il met autour de la table tous les héritiers, il essaye de voir s'il y a un accord, s'il n'y a pas d'accord, eh bien il y a des prestations de serment. Si le frangin il a tout flambé entre-temps. Flamber, c'est différent. Flamber, il peut être joueur. Moi, j'ai beaucoup de clients, des joueurs. Et il ne reste plus rien. S'il a revendu la maison qu'il avait reçue en donation et tout ça, il ne reste plus rien. Mais oui, mais il faut évidemment démontrer. Pour celui qui est lésé, il doit démontrer que l'argent, le prix de vente de la maison, il l'a donné au frère, au nid, que le père a voulu avantager, évidemment. T'as un message à faire passer à ton frère, Xavier. Non. Vous voulez que je l'appelle? Je vais l'appeler, hein, parce que ce n'est pas possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est encore avec Marc pendant un petit temps, hein, sur Facebook. Ça se passe ou par SMS? Oui, au 3063, attention, ça vous coûte 50 centimes le message. Le mail pigeon@rtbf.be. On y revient après Kigo. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20€. Europassistance.be, you live, we care. Moi, j'aime une tomate bien fraîche avec un peu de sel. Ah, ça oui, hein. Une bonne tomate comme nos tomates filières qualité Carrefour. Il ne lui faut pas grand-chose pour révéler tout son goût. Ah oui, monsieur Marc, quelques grains de sel. Un chouïa d'huile d'olive. Un soupçon de basilic. Et un rien de promo. Non, deux fois rien. Bon appétit. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos savoureuses tomates filières qualité Carrefour sont à seulement 89 cents le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Venez faire le plein de soldes ce week-end dans plus de 100 magasins au Shopping Center Knorr. Et en plus des soldes, il y a plein d'animations food durant tout le week-end. Génial! Shopping Center Knorr. Knorr est à 10 minutes de Bastogne et Schmid à 10 minutes de Vilsalm. Dis, tu m'accompagnes chez Cash Converters? Tu veux me vendre en seconde main? T'es bête. Non, je veux trouver un PC pour Hugo. Ok, bon plan ça. Chez Cash Converters, faites le plein d'objets de seconde main de top qualité. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. CashConverters.be. C'est beau, donc c'est cher, les boilons sont feignants, les seniors sont dépassés. Ça te fait bondir, non? Si je te dis que chez De Ravet, c'est cher, ça devrait te faire le même effet. Ne te fie pas aux clichés, va vérifier. La vérité, c'est que chez De Ravet, ils ont le sens du conseil, du service et du suivi client. Et c'est vraiment pas plus cher. De Ravet, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Franquignoul à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison De Ravet fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. Thought I could leave you, 'cause I felt my heart numbing. It hit so deep, I closed my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face, so I stay. Kygo sur Vivacité avec Stay. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. On s'occupe de vous, de votre avenir, de vos problèmes avec Marc Van Beneden, notaire, et vos questions qui arrivent nombreuses hein, sur Facebook et sur le SMS 3063. Un exemple ? Oui, ben un mail peut-être, hein, une nièce d'une propriété, une nièce. D'une oui, tante, donc, elle a, donc d'une tante. Oui, mais c'est parce que le, c'est alors. Formulé un peu bizarrement. Bref, elle n'est pas héritière directe. Elle a hérité une propriété d'une tante, le fisc lui a déjà ponctionné 70% du montant estimé par le notaire. Voilà. Je voudrais maintenant la vendre en essayant, c'est normal, en tirer un maximum, mais le fisc m'attend derrière la porte pour me demander 70%. Et un supplément éventuel. Du supplément éventuel. C'est-à-dire que, quelque part, elle a fait une déclaration de succession. Sur base, elle a par exemple déclaré le bien 100 000 euros. Et on a payé des taxes, environ 70%, un poil moins. Enfin bon, on a payé les 70 000 euros. Si elle la vend 200 000 euros dans les deux ans, c'est le délai pour le fisc, ben, il va dire, ma chère madame, vous avez déclaré dans la déclaration de succession 100 000 euros pour cet immeuble. Désolé, mais c'est un peu corte. Hein. Donc, elle va être taxée sur la différence. Il faut attendre 2 ans à dater de la déclaration de succession. Elle peut le vendre 200 000 euros après les 2 ans. Mmh. Donc, c'est le décès, 4 mois pour remplir, pour rentrer la déclaration, 6 mois pour payer les droits, et donc 2 ans à dater des 4 mois après le décès. Et elle demande si elle peut trouver cette législation, donc sur les 2 ans là, dont vous venez de parler, si elle peut trouver ça écrit de manière claire quelque part. Éventuellement, le site... C'est un règlement au point de vue fiscal, c'est-à-dire c'est dans le code du droit d'enregistrement. Mais le site de référence, notaire.be quand même. Oui, donc, oui ça c'est mis, mais je veux dire que vous n'avez pas la référence de l'article intel, mais c'est le code du droit d'enregistrement qui dit ça. On a une autre question, Réginald de Perouet, qui nous dit qu'il va hériter de sa grande-tante un jour. Mais le lien de parenté est éloigné. Que faire pour payer moins de droits de succession? Elle devra encore vivre 10 ans, nous dit-il. Alors, ça dépend ce que la grande-tante, dans sa grande générosité, veut donner. Si c'est de l'argent, elle donne de l'argent, et puis elle a la bonne idée de ne pas mourir dans les 3 ans... Il n'y a aucune taxation. C'est fantastique, ça. Hein? On ne se rend pas compte, mais dans les pays étrangers, ce n'est pas comme ça. Hein? Donc, mais il faut avoir simplement la preuve qu'elle a bien donné. Donc, on fait un petit document, voilà. Alors, la grande-tante, elle n'est pas en grande santé. Donc, on craint que malheureusement, elle ne tienne pas le coup pendant les 3 ans. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un document, une donation, un acte de donation, toujours pour de l'argent ou des actions, et on le fait enregistrer. Et on paye 7%. Pas beaucoup, 7%, hein, par rapport aux 70% dont on vient de parler. Donc, on paye les 7%. Pour un immeuble, il n'y avait rien à faire. Sauf maintenant depuis le 1er janvier, où les droits de donation ont fortement diminué. Surtout entre la tante et son neveu. Pour donner un exemple, jusqu'à 150 000 euros, on était vite à 30 ou 40%. Maintenant, on est à 10%. 10%. Donc je veux dire que l'intérêt maintenant pour la tante, c'est de donner de son vivant l'immeuble. Alors, petit bémol, à Bruxelles, la tante donne, elle donne à 11h le mardi, le mercredi à 9h elle meurt, c'est donné, on oublie. Ouais. En Wallonie et en Flandre, il faut attendre 3 ans. D'accord. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps si j'ai un... Donc alors, petit bisou à ma tante qui nous écoute. Et si tu veux déménager à Bruxelles un jour, elle peut garder l'usufruit. Mais il ne faut pas pousser trop. Moi, je connais des tas de gens, ils ont fait des donations et quelque part, ils sont en dispute avec celui à qui ils ont donné. Et, voilà, et alors, quoi? Je veux vendre l'immeuble, je ne peux pas vendre l'immeuble parce que il y a beaucoup de tensions. Donc, quelque part, il faut bien réfléchir. Il n'y a pas que le problème des droits de succession, il y a le problème quand même de la sécurité de la personne qui donne. Ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est bêtement du cash et qu'un parent veut donner même 1 million d'euros comme ça, il le fait. Mais le fisc va aller 3 ans après le décès vérifier tout ce qui est fait dans les 3 ans du décès doit se retrouver dans l'actif de la succession. Par exemple, il y a eu une vente de la maison de 100 000 euros dont j'ai parlé, et 2 ans après, la personne vient décéder. Eh bien, le fisc va me demander, mais où sont ces 100 000 euros, notaire? Prouvez-moi qu'ils sont encore sur les comptes. Mmh. Et je dois faire tout le cheminement de ces 100 000 euros. Et si on distille 50 euros par mois? Mais c'est ça. Je veux dire, mon papa et ma maman, quand ils me font un cadeau, une de comme mes ça, toutes bonnes clientes, y a personne qui... Elle apprend qu'elle a le cancer. Elle sait qu'elle va mourir dans les 2 ans. Elle vend tous ses immeubles. Elle vend tous ses immeubles. Et tout l'argent, elle a donné. Il n'y avait plus rien au moment du décès.

Un petit bonbon. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit de votre voiture pour des vacances sans souci ou pour la revendre au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Sortez les couleurs nationales. Match des Diables Rouges ce soir face à la Suède. À Nice, à 21h, les Diables Rouges se préparent à l'abri des caméras. Ils n'arriveront au stade qu'en fin de journée. Un point et la Belgique décrochera son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro de foot. L'équipe suédoise sera évidemment emmenée par sa star Zlatan Ibrahimovic. L'avis du défenseur des Diables, Thomas Meunier. C'est une équipe qui a peut-être un peu de mal à trouver ses marques, qui n'a plus un peu la glorieuse équipe d'il y a quelques années. Maintenant, voilà, c'est quand même une équipe qui a réussi à se qualifier pour l'Euro, et ça, c'est pas rien. On a vu déjà énormément de surprises dans les matchs qui se sont déroulés. Il faut juste être sur notre garde. C'est pas un match gagné d'avance, donc pour moi, on va juste être appliqué, concentré, et on fera la différence. Oui, parce qu'on le sait, un point suffit pour la deuxième place, mais c'est parfois dangereux de spéculer. Ouais, non, bien sûr, faut pas jouer pour le point, faut jouer pour la victoire avec 3 buts d'écart. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est 90 minutes qui nous permettront d'atteindre la phase finale. Et voilà, faut surtout pas avoir de regrets. Thomas Meunier interrogé par notre envoyé spécial Manu Jousse, match à 21h sur tous les médias de la RTBF. On espère que les orages ne s'abattront pas sur le public rassemblé devant les écrans géants, mais il y a bien une alerte orage pour ce soir, des orages qui pourraient être accompagnés de grêles et de rafales de vent, une alerte qui concerne notamment l'ouest du pays. Alors nombreux sont les agriculteurs qui ont sorti leur pulvérisateur ce matin, ils cultivent essentiellement des pommes de terre, ce sont les entreprises pour lesquels ils produisent, qui les informent des risques. Michel Delire habite en plein champ, à Mainvaux, près de Hatte. Il est spécialiste de l'écologie. Oui, ça c'est systématique ici. Dès qu'il fait orageux, il y a une menace. Vers 14h, 15h, il va arriver avec le pulvérisateur pour ses 10 hectares de patates ici en face. Ça c'est recta. Parce que l'agriculteur reçoit souvent un mail ou un SMS. Oui. Ils ont des phases d'alerte. Soit on leur envoie un SMS, soit on leur téléphone, soit ils reçoivent un mail. Et donc, ils doivent obtempérer rapidement. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Et tout ça est lié sur le fait qu'ils utilisent des variétés de pommes de terre, notamment, qui doivent répondre à certaines contingences des entreprises de transformation de patates et qui ne répondent pas forcément à des résistances naturelles au mildiou, aux champignons. En culture bio, mais on va utiliser des anciennes variétés, des anciennes espèces beaucoup plus rustiques et résistantes naturellement au mildiou. Des propos recueillis par Charlotte Legrand. Il y a 3 mois, jour pour jour, les attentats de Bruxelles, avec une étape importante pour les familles des victimes. Dès cet après-midi, elles vont pouvoir déposer plainte et se constituer partie civile, ce qui va leur permettre d'avoir un accès au dossier. Plusieurs juges d'instruction sont mobilisés pour les accueillir au parquet fédéral. La psychomotricité n'est pas une profession paramédicale. La décision est tombée. La ministre de la Santé, Maggie De Bloch, l'a confirmé. La psychomotricité fait partie des compétences des kinés. Donc, seul ce diplôme ne vaut rien. En clair, pas question que les patients puissent bénéficier d'un remboursement inami. Une douche froide pour ceux qui exercent ce métier et aussi pour les étudiants qui terminent leurs études. Cela concerne des centaines d'étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, déplore la décision. Je peux comprendre que pour beaucoup d'étudiants, la volonté était de s'établir comme psychomotricien. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire en sorte que tous ceux qui sont en cours de cursus soit continuent et en sachant exactement dans quel cadre ils font leurs études. C'est la raison pour laquelle j'ai averti toutes les hautes écoles qu'il fallait avertir les étudiants des éléments. Deux, aujourd'hui même, et suite à ma demande, l'ARES, l'Académie de recherche, dans sa chambre haute école, va examiner comment faire des propositions aux étudiants en cours de cursus pour pouvoir établir des passerelles vers autre chose, de manière à ce que ceux qui disent « ça ne m'intéresse pas de continuer mes études dans ces circonstances » puissent trouver des alternatives à celles-ci. Le ministre Jean-Claude Marcourt, interrogé par Marie-Paul Jeunhomme. RTBFM Mobile Info, Caroline Gillet, toujours des problèmes sur la E25. Et oui, les suites de ce food truck qui a pris feu hier dans l'après-midi à hauteur de Tilf. À présent, la voie de droite est toujours fermée. Il faut procéder au nettoyage de la chaussée en direction de Liège. Et puis encore quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles. Circulation intérieure au titre Grand Bigard, vous perdez une petite dizaine de minutes. 5 minutes supplémentaires en circulation extérieure, que ce soit entre Grand Bigard et au titre ou entre Zaventem et Grand Bigard. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'info revient à 12h30 pour les titres, à 13h pour le journal. Et ce sera avec Manu Delporte. Merci Marianne, bel après-midi. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee. Faites-vous plaisir. Pas des pigeons sur Vivacité. Consultation gratos avec un notaire aujourd'hui sur Vivacité. Gratos. Ah mince. Oh, Il y a un verre de vin. Exactement, parce que dégustation aussi au programme de cette deuxième heure en Belgique. On fait du vin. Oui, monsieur, dame, on fait du vin. Même qu'on va déguster celui qui vient du domaine du Champ des Eoles. C'est situé au pied des Éoliennes. On est à Quévy, près de Mons. Ça, c'est pour réconforter Marc. Ça ne sera pas venu pour rien. Et après, on va avoir les trucs et astuces, parce qu'on va lui faire boire un petit peu de vin là maintenant. On va avoir tous les trucs et astuces pour frauder dans tous les sens. Hein, on fait ça, okay, on fait comme ça. Ouais. Si vous avez des choses à nous dire, et surtout si vous avez des questions concernant le monde merveilleux du notariat, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, trois façons. Le SMS, 3063, 50 centimes le message. Notre page Facebook, on n'est pas des pigeons, et le mail pigeon@rtbf.be. À ça, vous rajoutez un petit peu de musique, évidemment. L'incontournable du moment, Amir, avec qui j'ai cherché. Il y aura aussi Géronimo. Un autre incontournable du moment, décidément. Vous écoutez Vivacité, bon appétit si vous passez à table en ensemble, jusque 13h, si on n'est pas des pigeons. I'm alone. C'est la Soue sur Vivacité avec Alone. À la vôtre, hein. Santé. Puis bonne chance surtout. Alors non, pas bonne chance, ça sent bon déjà, c'est joli, c'est tout mignon. Alors, nous avons devant nous, comment on appelle ça? C'est du mousseux, c'est du... Méthode traditionnelle. Cyril Jeannot est avec nous en studio, il représente le domaine du Champ d'Éole. On est au pied des éoliennes de Quévy dans la région de Mons avec vous. Ça fait combien de temps qu'on fait du vin là-bas? Depuis 2011. Depuis 2011. Donc c'est l'association entre un viticulteur champenois, Philippe Remu, qui s'associe avec une grande famille d'agriculteurs belges, de la région montoise, la famille Ubank. Et voilà, l'association parfaite qui a donné ceci. On ne peut pas appeler ça champagne. Hein. On ne peut pas appeler ça champagne. Il n'est de champagne que de la champagne. C'est ça. Mais c'est la même... champenois, donc je connais. Mais en gros, c'est la même... C'est tout pareil. Sauf qu'on ne peut pas donner le nom. Exactement. On a le même sol qu'en Champagne, donc que dans la Grande Côte des Blancs, la même marne calcaire. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que l'instigateur a fait ça. Il est super bon, franchement. J'avais jamais goûté. Je ne l'ai pas encore goûté, mais je me posais une question par rapport... Vous avez dit que vous faites du vin là-bas depuis 2011, mais vous le vendez depuis 2011. Enfin, On a planté les vignes en 2011. Savoir qu'il faut 2 ans avant d'élaborer le produit. Et donc c'est là c'est la cuvée 2013, le restant de la cuvée 2013, parce qu'on a les 22 premières 1000 bouteilles ont été vendues en 2 mois et demi. D'accord, on boit les fonds quoi, c'est ça que vous nous dites. Meilleur parce que le vin se bonifiant avec l'âge. C'est vrai. Là vous buvez vraiment. Mais alors, c'est dingue. Non mais alors il y a encore quelques années quand on disait on fait du vin en Belgique, on se marrait quoi. Et il y avait très très peu de personnes qui se lançaient dans l'aventure. Là aujourd'hui, force est de constater que on fait du vin et on fait du bon vin chez nous. Merci. Mais non mais sérieux Xavier, un avis? Ben oui, là, je goûte à l'instant. Il en perd ses mots. On dit parfois qu'il vaut mieux un bon crémant qu'un mauvais champagne. Et là, pour moi, on rivalise avec du champagne et c'est fait en Belgique. Donc effectivement, c'est étonnant. Alors, vous nous disiez hors antenne que tout ça, c'est grâce au réchauffement climatique, quelque part. Il y a 30 ans, ça aurait été plus compliqué. C'est vrai. Oui. Pourquoi? Le manque de degrés, donc manque de maturité au niveau des raisins. Donc ça aurait été plus compliqué d'avoir des raisins mûrs et à leur apogée pour pouvoir faire un produit d'excellence. C'est étonnant quand même. Hein. On est sur quoi comme cépage, pour me la péter un peu? Du chardonnay. Chardonnay. On a 97% de chardonnay, un petit peu de pinot noir pour élaborer notre rosé. Oui. Voilà. Oui, parce que donc il y a différents produits dans la gamme. Le blanc, le rosé. On en a que 2, c'est tout. D'accord. Se limite déjà à faire quelque chose de basique, mais très bien. On est vraiment dans le haut. Le fait qu'on soit au pied des éoliennes, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que les vignes sont ça aère le raisin? Non, mais il paraît que ça brasse l'air. C'est vrai. Donc du coup, ça nous évite la stagnation d'humidité. Donc après les gelées qui vont venir griller les raisins et aussi également pour le développement des maladies comme le mildiou qui sont un vrai fléau pour la vigne. Même tous les jardiniers amateurs me comprendront. On en a parlé dans le journal de midi. Alors c'est ma question débile avec les éoliennes, finalement elle a du sens. Il y a une vraie explication derrière. C'est assez étonnant. Ces produits, on les retrouve où? Dans le commerce partout? Vous êtes distribué partout. C'est relativement récent entre guillemets comme du entreprise. Hein. Pour le moment, on a une forte demande des partenaires cavistes qui voudraient travailler avec nous. Mm-hmm. Pour le moment, on a vendu les 20 000 premières houchées uniquement. Ça a été le bouche à oreille. Il y a eu un buzz. On a été bien suivi aussi médiatiquement. Ouais. Et les gens ont la curiosité, la nouveauté. Mais en plus, on fait un produit vraiment de qualité. Donc ça s'est répercuté très vite. On pensait pas qu'on serait en rupture aussi vite. Mm-hmm. Donc là, maintenant, on a beaucoup de demandes. On est en train un petit peu de voir un peu avec qui on va travailler parce qu'on veut travailler avec des partenaires sérieux et fiables et sur le long terme. Donc là, pour le moment, on est vraiment en train de voir avec qui on va travailler. Mais on a beaucoup de demandes. L'idée, c'est de se retrouver dans la grande distribution aussi? Absolument pas, non. Non, non, non. Travailler avec des professionnels. On est produit de terroir. On veut travailler avec des partenaires de terroir. Et ça se vend combien une bouteille On a 18,50 au chez TTC. D'accord, voilà. Mais il faut aller sur place pour l'instant? Pour le moment sur place, mais on est en train justement de sceller des partenariats avec des gens. On ne veut pas travailler, on n'a pas une armée de commerciaux qui va s'établir en toute la Belgique. On a vraiment quelques partenaires privilégiés qui vont nous travailler. Bah, ça vaut le coup, franchement, si vous passez par là, allez goûter ce domaine du Champ d'Éole. Franchement, c'est assez surprenant. C'est une grosse société, ça représente combien de personnes qui travaillent autour de ça? Alors en tout, on a à peu près 5 personnes. Donc il y en a 2 dans le vignoble, 2 au commercial, donc moi et ma collègue Virginie. Et puis c'est des saisonniers qui viennent quand il y a un coup de feu. Il y a les vendanges. Non mais c'est du... Oui. C'est du traditionnel, c'est du produit de chez nous, c'est du produit du terroir, c'est du champagne. Mais ça, on ne peut pas le dire, mais c'est assez bluffant. Franchement, le rosé est plus sucré?

c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. C'était Amir avec J'ai cherché. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Marc Van Beneden, notaire, est toujours avec nous en studio, répond à vos questions. Ça va pas être facile, hein. Il a bu un petit coup, on va lui soutirer des trucs, vous allez voir, on va faire des choses bizarres. Bon, alors on a Annabelle de Lillois qui nous écrit « Mon futur mari est indépendant. Est-ce que j'ai intérêt à conclure un contrat de mariage avec séparation de biens ? Pourquoi ? Et à quoi sert encore un contrat de mariage ? Est-ce que c'est utile aujourd'hui ? Dramatique, hein. Dramatique, on pose ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il faut vraiment, quand on épouse quelqu'un, se réfléchir aux conséquences. Donc si on est marié sans contrat de mariage, on est marié sous le régime de la communauté. Ça veut dire que tout tombe dans un pot commun qui appartient à tous les deux. Ça veut dire que si on veut ouvrir un compte, on veut faire un financement pour acheter une voiture, si on veut faire n'importe quoi, il faut la signature des deux. Mmh. Et surtout, si l'un des deux a des problèmes financiers, c'est toute la communauté qui s'en va. D'accord. Et la communauté, c'est les revenus de l'autre. Donc ici, en l'occurrence, indépendant, c'est chaud-boulette. Évidemment, il faut faire. S'il y a une faillite derrière, alors, elle est embarquée dans l'histoire. Elle est embarquée. Et ses revenus, moi, ma grande souffrance comme notaire, c'est d'avoir connu ça, d'avoir connu des problèmes financiers d'une personne qui savait de rien de l'autre. Ça, c'est terrible. L'autre était indépendant, il menait son affaire, il était sympa et tout, mais mauvais gestionnaire, il est tombé en faillite à titre personnel, et l'autre a braqué toute sa vie. Ouais, ça, vraiment, c'est quelque chose qui me... Donc, très concrètement, quand on se marie, on va trouver le notaire, on fait un contrat. On réfléchit, je dis pas que le régime de communauté, c'est pas un mauvais régime, c'est le régime légal dans tous les pays européen, donc ce n'est pas si mauvais, mais c'est un régime que moi j'aime pas beaucoup, parce que quand il y a des problèmes, on se sépare, on va chacun vivre de son côté, le divorce n'intervient pas tout de suite, et bien pendant cette période, on ne sait pas ouvrir un compte sans la signature de l'autre, on ne sait pas faire un financement pour faire n'importe quoi. Attendez, l'autre, en général, on est un peu tendu avec l'autre, donc évidemment que l'autre ne va pas signer, donc c'est insupportable. C'est pour ça que le régime de séparation des biens, à mon avis, est une solution dans un certain nombre de cas. Autre question. Oui, Patrick nous demande comment éviter les soucis en cas de décès de mon papa, puisque ses comptes seront bloqués. Oui, et ça, c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qui est bien pourri. Alors, ça, c'est vrai, d'autant plus pourri que depuis maintenant quelques années, on doit faire des recherches fiscales contre les héritiers et contre le défunt. Et ces recherches fiscales doivent être négatives pour qu'on puisse délivrer une attestation comme quoi c'est telle et telle personne qui hérite. Mmh. On ne peut pas la délivrer si on n'a pas cette absence de notification fiscale. Donc moi, j'ai maintenant certainement une quinzaine de dossiers à l'étude où j'ai le fils qui doit 10, 15, 20 000 de contributions et je ne sais pas donc délivrer l'attestation pour permettre à la veuve de pouvoir aller chercher l'argent avec ses enfants parce qu'il y a ces notifications fiscales. Donc je pense, ça n'a pas de conséquences au point de vue fiscal, c'est que s'il y a un problème et qu'on sait que la personne va partir cet après-midi ou demain matin, on va chercher un peu d'argent sur le compte. Hein, on va chercher un peu d'argent sur le compte pour pouvoir faire face au paiement parce que le quotidien, quand les comptes sont bloqués, ils peuvent être bloqués très très longtemps. En général, c'est un mois et demi si tout va bien, ouais. Mais ça peut être quelques mois. Moi, j'ai eu quelques personnes, mais en pleurs au téléphone. Mais qu'est-ce que je fais, notaire ? Là, le conseil qu'on vous donne, c'est effectivement aller chercher sur le compte et parer aux diverses éventualités, au plus pressé, en attendant que les comptes se débloquent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, continuez à les poser via la page Facebook. On va revenir encore avec Marc dans quelques minutes. Le SMS aussi est disponible. 3063. N'hésitez pas. Et on en reparle après James Blunt et après, non, Arthur. C'est James Arthur qui s'appelle. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy, and my heart is broken.

tous les records en cette fin de printemps. Les pluviomètres n'ont jamais vu autant d'eau, en tout cas pas depuis la fin du 19e siècle. 190 litres par mètre carré à l'observatoire Duc entre fin mai et fin juin, du jamais vu. C'est comme si la météo s'était bloquée en mode orage. On vous détaille tout cela dans le journal de 13h. Vous avez moins de 30 minutes pour répéter psychomotricien. À tout à l'heure, 13h. On n'est pas des pigeons. To breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Is your love. On n'est pas des pigeons. Depuis 11h, Marc Van Beneden est en studio avec nous. Vous avez des questions pour un notaire. Nous avons les moyens de le faire parler. Et de répondre à ces questions. Et c'est vrai qu'elles sont, elles sont nombreuses. On poursuit dans tous les sens. Hein. Oui. On est d'accord, Marc. Hein. Par exemple, un SMS, c'est si je signe un contrat pour des travaux dans mon immeuble et que je décède entre la signature du devis et la date de début des travaux, mes héritiers devront-ils respecter ces engagements? Qu'en est-il de l'éventuel acompte payé? Eh bien, les héritiers devront respecter tous les engagements. Donc, l'acompte, évidemment, on en tiendra compte, donc ils ne devront plus payer que le solde, mais ils devront respecter les engagements, au même titre que s'il y a le défunt, le futur défunt signe un compromis d'achat d'un appartement qui lui plaisait beaucoup, mais qui peut-être plaît moins à ses héritiers, et qui vient malheureusement à décéder avant l'acte authentique, eh bien malheureusement, les héritiers devront acheter en ces lieux et places cet appartement. Ah oui. C'est un peu dur. Ah oui. C'est comme un contrat de bail aussi, quand on signe un contrat de bail. Attention, un contrat de bail. On engage ses héritiers. Et donc, si on veut mettre fin au contrat de bail, eh bien, il faudra pas oublier d'envoyer la lettre commandée avec le délai. Il faut voir à quel moment on fait ce renom. Non, il faut assumer tout. Hein. Il faut assumer l'actif, il faut assumer le passif aussi. Pas question de prendre le bon et de laisser le mauvais. Le plus simple, c'est de pas mourir, quoi. Ça serait bien. Mais alors, et nous les notaires, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah bah oui. Attendez, bah, attendez, bah, non, bah, c'est chacun grave, son hein. Chacun son problème. Peut-on annuler la vente d'une maison après 15 jours, après avoir découvert derrière une cloison que la façade peut s'écrouler? Ben, c'est ce qu'on appelle un vice caché. Donc, quelque part, le vendeur déclare qu'il n'a pas connaissance de vice caché. Il n'a pas connaissance de problème grave. Alors, si on peut démontrer que ce problème de façade était connu du vendeur, il vous a menti. C'est ce qu'on appelle du dol, c'est la tromperie. Mais bon, normalement, c'est le juge qui prononce ça. Ce n'est pas l'acheteur qui peut lui-même déterminer qu'il s'agit d'un dol. Donc, enfin, les notaires essayent d'arranger les choses. La législation, elle a un peu changé, non? On entend souvent ça en matière de vice caché. On est moins bien protégé qu'avant, non? Je n'ai pas vraiment souvenir. C'est dès qu'il y a la loi sur le commerce qui est venue un petit peu intervenir dans tout ça. Mais oui, il y a toujours le principe du fait qu'on ne peut pas mentir à son acheteur. Il y a simplement le fait que si vous êtes professionnel, vous devez garantir les vis cachés. Oui. Vous n'êtes pas professionnel, eh bien vous ne savez pas vous dire si la chaudière va péter dans 3 mois ou dans 4 mois. Mais on met souvent dans l'état bien connu de l'acheteur, oui, c'est une valeur ça? Bien sûr. Oui. Donc, quelque part, si moi je dis, vous m'avez acheté ce truc-là dans l'état bien connu, dans, oui, que, voilà, vous connaissez, que vous connaissiez. Vous connaissez bien, ça veut dire le que vendeur, les vis cachés... dans tous les compromis convenablement faits, le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de vice caché. Donc, il dit, mais si le juge peut démontrer qu'il avait connaissance, que ce n'est pas possible qu'il n'avait pas connaissance de ça. Et on estime que le professionnel qui vend, lui, eh bien, il devait, même s'il déclare qu'il n'a pas connaissance, il devait le savoir. On poursuit dans l'immobilier avec une question de Quentin de Namur. Peut-on transformer une maison en appartement? En gros, il demande s'il y a des autorisations à voir, s'il y a des papiers à faire. Il a reçu la maison de sa grand-mère, il veut en faire des appartements pour des loyers. Non, peut-être. Non, bien sûr, c'est le mal de tous les immeubles, enfin, de la plupart des immeubles bruxellois qui ont été transformés. On a transformé ça dans les années 80. Maisons de ville qui ont été transformées, des maisons unifamiliales qui ont été transformées en 2, 3 ou 4 appartements. Avant 92, à Bruxelles, et en Wallonie aussi, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il ne fallait pas de permis. Maintenant, il faut un permis. Donc, on a divisé l'immeuble et puis on a vendu cet immeuble. Et maintenant, le propriétaire, il a de graves problèmes avec l'urbanisme. Ils sont très agressifs et ils chassent ce genre de choses. Donc, il faut évidemment demander un permis. Dans le cas de notre ami, il doit demander un permis. Ça, c'est essentiel, quoi. Autre question, c'est Simon de Sarlespa. Il voudrait obtenir une servitude de passage sur le terrain de son voisin pour accéder à une parcelle qui est dans le fond de son jardin à lui. Ouais. Est-ce que c'est possible? Non seulement c'est possible, mais il peut imposer ça à son voisin. Ah, le code l'imposer. Civil dit que si vous avez une parcelle qui est entourée d'autres parcelles, oui, enclavées, vous pouvez demander la servitude de passage. Attendez, sinon, gars il va en hélicoptère c'est pas possible ça. C'est pas bête. Et on peut l'imposer. Oui, pas l'hélicoptère, mais la servitude de passage. L'hélicoptère, ce serait bien. Autre question, et puis on va passer à la suite. Oui, étant dans la spirale de surendettement et pas en médiation. Si mon conjoint décède le premier, je renoncerai ainsi que mes enfants à sa succession. Mais quid de sa pension, pourrais-je la percevoir? Oui, mais elle va pas. Donc elle est. Mais quel contrat de mariage elle a, la pauvre? Ah, ça, elle ne me le dit pas. Oui, attendez, si elle est mariée sur une communauté, c'est la cata. Hein. Toutes les dettes sont communes, hein? Toutes les dettes sont communes s'ils sont mariés sur le régime de la communauté. Donc si elle est mariée sur le régime de la séparation des biens, elle peut renoncer en effet à la succession et la pension sera calculée comme pension de survie. Voilà, on avance avec vous Marc. On comprend déjà qu'il ne faut pas mourir, il ne faut pas se marier, il ne faut pas avoir d'enfants et on règle déjà pas mal de problèmes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser via Facebook, via le 3063. On y répondra une dernière fois dans quelques minutes. Partie plongée, la bonbonne d'oxygène vous tombe sur l'orteil? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. Vivacité et La Une présente les médiévales de la citadelle de Namur. Les 2 et 3 juillet, vivez le Moyen-Âge. Spectacle féerique, création inédite, artistes de toute l'Europe. www.citadelle.namur.be. Une organisation du comité animation Citadelle avec la ville de Namur et le CGT. Outre Terre et Vivacité présente la 52e Brocante Terre. Venez nous rejoindre le vendredi 24 juin à partir de 18h à la Brocante Nocturne animée par Radio Bistrot. Le samedi 25 juin dès 8h du matin, rendez-vous à la Grande Brocante pour chiner parmi plus de 500 exposants. Tous les bénéfices financent des projets de développement. La Brocante Terre, c'est dans le zoning des Ossarères et sur brocanteterre.be. Camille, vous cherchez quelque chose ? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. C'est beau, donc c'est cher, les boilons sont feignants, les seniors sont dépassés. Ça te fait bondir, non ? Si je te dis que chez De Ravet c'est cher, ça devrait te faire le même effet. Ne te fie pas aux clichés, va vérifier. La vérité, c'est que chez De Ravet, ils ont le sens du conseil, du service et du suivi client. Et c'est vraiment pas plus cher. De Ravet, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Franquignoul à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison De Ravet fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. Vivacité et la Une présentent Debout Citoyens, le rendez-vous de la citoyenneté. Participez aux nombreux événements citoyens aux quatre coins de notre province de Liège. Festivals, expositions, spectacles, commémorations, conférences, concerts, programmes et informations, deboutcitoyens.be. Deboutcitoyens.be. Une opération coordonnée par la province de Liège. Vivacité à Esneux, en toute complicité. Sur 90.5 FM. À la télé, y'a plus que des festivals de connes. Aux infos, tu sais plus s'ils disent vrai ou s'ils déconnent. Et la pub de partout, c'est sûr que ça te conditionne. Jérôme sur Vivacité avec Possédé. On n'est pas des pigeons. C'est le moment, c'est l'instant. Dernière question pour le notaire Marc Van Beneden qui nous accompagne depuis 11h. On tire dans tous les sens, mais force est de constater que le Belge n'a qu'un but, éviter le fisc. Voilà. Ça, au moins, c'est très clair. Un exemple avec Caroline de Pietrebaix. Ma maman est belge, mais résidente en France. Elle est propriétaire de deux appartements. Quels seront les frais de succession et à qui devrais-je les payer ? À la France, à la Belgique, aux deux ? Que faire pour que cela me coûte le moins cher possible ? Ça, c'est une question importante. Il faut savoir qu'on paye les droits de succession pour les immeubles dans le pays où se trouvent les immeubles. Mm-hmm. Donc, si notre ami est propriétaire, par exemple, d'un appartement en Belgique et d'un appartement en France, eh bien, elle payera en Belgique uniquement des droits de succession sur l'appartement en Belgique. Et en France, elle payera sur tous ses comptes, sur tous les avoirs, sur ses meubles et sur l'appartement qu'elle a en France. Il y a un accord entre la Belgique et la France pour qu'on ne doive pas payer deux fois les taxes. Parce que c'est vrai qu'en France, il faudra faire la déclaration de l'appartement qu'on a en Belgique aussi. Mais on pourra déduire les droits qu'on a payés en Belgique. Il y a un accord. Ce sont les deux seuls pays au monde où il y a un accord. Tous les autres, on passe à la caisse. Donc il faut mieux acheter en France qu'en Espagne, quoi. Voilà, en Espagne, les droits de succession, dans beaucoup de régions, n'existent pas. Donc, il n'y a pas de droit de succession pour les Belges qui possèdent un appartement. Il faut bien choisir. C'est passé à vous signer. La Costa Brava, c'est bon. Non, mais sérieux, on va aller faire du repérage cet été. Non, mais il faut être attentif de ça. Et très franchement, des successions, ça à cheval sur plusieurs pays, on est dans un pays, on est en Europe, eh bien, je peux vous dire, c'est très, très, très compliqué. Donc, tant qu'à faire, les parents qui veulent acheter un bien à l'étranger et qui résident ici, pourquoi ne pas acheter l'usufruit pour c'est eux ça, mettre le nom et la nue propriété pour les enfants. Voilà. Comme ça, il n'y a au plus nom rien des à enfants. Faire. Plus simple. Dominique et Christophe nous expliquent qu'ils sont en couple, des messieurs, donc en cohabitation légale. Mon compagnon a acheté notre bien immobilier. Quelles sont les modalités à faire pour nous protéger lors du décès de l'un ou de l'autre, pour que les familles ne nous enlèvent rien? Dois-je faire un testament pour garder l'usufruit ou autre? Alors, c'est très important. Il faut savoir que quand on est cohabitant légaux, eh bien, on a automatiquement l'usufruit, la jouissance du logement familial. Donc l'endroit où sont domiciliés tous les deux, d'ailleurs c'est une condition pour être cohabitant légaux, on a en tout cas l'usufruit. Mais supposons que le futur défunt veut que son compagnon maintenant soit plein propriétaire. Aïe, aïe, aïe, il y a un problème parce que le papa et la maman du futur défunt ont une réserve qui est égale à un quart en nue propriété. Et donc, quelque part, ceci, le papa et la maman pourraient dire « Oh là là, non, hein, moi j'ai droit à un quart de la maison, j'ai droit à un quart de tout. » Donc, c'est un quart. Donc, il vaut mieux qu'il se marie. Il vaut mieux qu'il se marie. Alors, à ce moment-là, cette réserve des parents. Mm-hmm. Je vous avais parlé d'une loi qui allait changer. On va, en principe, supprimer la réserve des parents. Un quart, ça va être supprimé. Dès que vous avez des enfants, il n'y a pas de problème. Un couple, en principe, d'hommes, c'est plus difficile d'avoir des enfants. Donc, automatiquement, ils doivent s'avantager l'un l'autre. Et le mariage est une bonne solution. Alors, encore une belle histoire de famille. Leïla, étant en couple reconstitué lors d'un achat d'une maison en commun, y a-t-il un moyen pour que les enfants de mon conjoint n'aient aucun droit, ni usufruit, ni nue propriété? Que faire? Alors, la bonne solution, c'est que la personne qui veut en avoir la pleine propriété quand son conjoint est parti, elle achète la nue propriété. Et elle achète 100% de la nue propriété. D'accord. Et l'usufruit, c'est les deux conjoints. Et ils font un accord entre eux. Donc, le père des enfants dont on ne veut pas qu'ils héritent, eh bien, il décède. Eh bien, le survivant devient propriétaire de tout. C'est compliqué, voilà, hein. C'est compliqué, mais il faut penser à c'est compliqué. Mais l'idéal, c'est vraiment d'aller trouver son notaire. Je crains. Oui. Clairement, j'aime bien le concept de futur défunt, moi. Ça remonte au moral, je trouve. Parce qu'on est tous des futurs défunts. Vous êtes un futur défunt, oui. Je sens ça. Des futurs défunts, oui. Alors, on termine avec. On en a une dernière pour la route? Oui. Dominique, quand une donation en argent est actée chez le notaire et que cet argent est placé sur un compte bancaire au nom du donataire qui perçoit l'usufruit, quels sont les documents à signer à la banque? Est-ce que le bénéficiaire de la donation reçoit une copie de ce document? Et est-ce qu'un simple PDF avec le numéro de compte et la somme sans en-tête ou logo de la banque est un document légal? C'est compliqué, ça. Est-ce que vous croyez qu'un notaire pourrait répondre à ça? Intelligent, les notaires. Alors, en général, ce que moi je fais, c'est que, donc, d'abord, l'usufruit revient au donateur. Le donateur, c'est celui qui donne. Le donataire, c'est celui qui reçoit. Donc, évidemment, en général, on réserve le droit d'usufruit pour le donateur. Moi, ce que je fais une expédition de mon acte, une copie officielle qu'on envoie à la banque et comme ça, il change le compte en un compte pleine propriété donateur, en un compte usufruit nue propriété donateur-donataire. D'accord. Dans tous les cas... Donateur, c'est celui que je donne, donataire, c'est celui qui reçoit. La case notaire s'impose dans beaucoup de cas. Sinon, il y a le site de référence, on le rappelle, notaire.be. C'est déjà un bon plan de départ. Tout à fait. Et en fonction de ça, si vous n'avez pas les infos que vous cherchez et les réponses précises... Il y a 1500 notaires, hein, donc il faut trouver... Vous allez chez le notaire qui vous convient. Merci Marc Van Benelet. Avec grand plaisir. Dans ce studio. Et merci pour le domaine de Chandelle. Oui, là, c'est fantastique, ça. On n'a pas réussi à lui soutirer des... J'aimerais qu'à chaque fois que je vienne, il y ait quelque chose de ce genre. Soit à manger, soit à boire. On a les moyens de vous faire parler. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Le marché court-circuit à Liège, ce sont 24 producteurs de toute la région qui viennent directement à vous sans détour. Fruits et légumes, fromages, pains, charcuterie ou confiserie seront au marché court-circuit Place Xavier Nogent tous les 2e et 4e jeudis du mois de 15 à 19h. C'est une initiative de l'échevinat du développement économique et du commerce de la ville de Liège. Bonjour, c'est Michy Batshuayi. Comme Vivacité, je suis complètement fou. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot.

pas des pigeons. Comme chaque jour, on termine sur la page Facebook avec quelqu'un qui a un coup de gueule. Vas-y, sexbonne, lâche tout. C'est qui râle. Catoge qui a un coup de gueule contre le facteur qui ne prend plus la peine de sonner pour vous donner un colis ou pire, un recommandé. Sonne toujours trois fois, le facteur, il me semble. Mais qui pré-remplit le petit formulaire et vous le laisse dans le courrier. Ça m'est arrivé aujourd'hui avec le stress, puisque sur un formulaire d'avis de recommandé, il n'est rien indiqué et je ne suis pas la seule à m'en plaindre. Il faut attendre au moins le lendemain pour aller le chercher au bureau de poste et c'est pas toujours le plus proche. Mais ça, c'est vrai que quand tu ressens recommandé, tu sais pas de qui ça vient et tu flippes toujours en disant ça y est. Qu'est-ce que j'ai oublié de payer ? Exactement. Ou je me suis encore fait choper quelque part et il y a une contravention qui m'attend. J'en sais rien. Ça arrive par recommandé, ça ? Je ne sais pas. Pas parce que je suis dans le cage. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Notre répondeur, 070 222 660. Voilà qui est dit. Pour la suite, c'est Sylvie Honoré, la vie du bon côté. On va prendre une décision, Sylvie. Nous allons... on va prendre l'après-midi, tiens. On va se détendre l'après-midi. C'est une bonne décision, elle est bien. C'est pas évident de décider. Moi, j'aime bien la citation de Jules Renard. Jules Renard a dit « Une fois que ma décision est prise... » J'hésite longuement. C'est bien aussi ça, c'est pas mal. Je dis à mon invité, ça c'est tout à fait moi, vous voyez. Au moment, juste au dernier moment où je peux encore changer d'avis, eh ben je change d'avis. Voilà, et c'est vrai qu'à chaque instant ou presque, notre cerveau prend des décisions, faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. On estime qu'il en prendrait, notre cerveau, en moyenne 10 000 par jour de décisions. C'est incroyable ça, dont environ 200 concernant notre alimentation. La plupart de ces décisions sont heureusement automatiques, ne nous demandent pas de réflexion consciente, mais d'autres font appel à notre libre arbitre et peuvent générer en nous de la perplexité, du doute. C'est pourquoi, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous présentons ce livre de Nadine Siaka. Bonjour Nadine. Bonjour. Qui vient tout droit de Paris, que pour nous. C'est vrai. Avec grand plaisir. C'est vrai, en voiture, ça s'est bien passé, voilà, tout va bien. Comment prendre de bonnes décisions, c'est votre livre qui est paru chez Marabout en février. Quand décider seul ? Quand décider dans l'urgence ? Faut-il faire confiance à son intuition ? Et si vous parlez de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Nadine. Est-ce que vous savez décider, vous, Nadine ? Vous avez appris à décider ? J'ai appris à faire des erreurs. Oui. Et donc après, une fois qu'on a fait beaucoup d'erreurs... Ben, on se donne le droit à l'erreur déjà. On continue en se disant de toute façon, c'est comme ça que je suis. Bon, on va aujourd'hui demander à nos auditeurs s'ils savent bien décider. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus peut-être des décideurs ? Voilà, disons le mot des décideurs. Est-ce qu'ils décident seuls ? Est-ce qu'il leur est arrivé de décider dans l'urgence ? Est-ce qu'ils prennent le temps de la réflexion avant de décider ? Est-ce qu'ils font confiance à leur intuition ? 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez décider avec nous, de prendre la parole en direct, juste après le journal de 13h et juste après le point météo, que voici. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Bonne journée à tous. Ça y est, on a enfin l'impression d'être arrivé en été avec un soleil plutôt généreux et des températures qui remontent. On attend 26 à 27 degrés dans le centre du pays, entre 22 et 24 du littoral à l'Ardenne. Ces nuages qui vont bourgeonner se retrouveront surtout sur l'ouest du pays en soirée et c'est près du littoral et sur l'ouest du Hainaut que l'on risque une averse orageuse. Demain, la chaleur sera encore bien plus présente, 25 à localement 30 degrés. Mais le temps sera lourd et des orages parfois violents seront surtout présents sur l'ouest du pays demain. Ils pourront gagner le centre en cours de journée ou de soirée. On marquera une transition vendredi avec des averses et puis samedi et dimanche, retour à un temps sec et moins chaud. Maxima tout de même, compris entre 19 et 21 degrés. Merci d'écouter Vivacité, il est 13h. Les Diables face aux Suédois ce soir. Les joueurs les plus grands de l'Euro, en taille en tout cas. Et dans l'équipe suédoise, un certain Zlatan Ibrahimovic, un grand joueur lui aussi, avec des statistiques impressionnantes, comme nous le dit Eden Hazard. La déception des étudiants en psychomotricité. La déception des professeurs aussi, qui depuis 4 ans délivrent cette formation en haute école. Maggie De Blocq, la ministre de la Santé, a décidé de ne pas reconnaître ce nouveau titre. Attention, orage ce soir.